délocalisation, la famille nulle la gueule. Les marchés, et la croissance, les bénéfices, les dividendes. Les tornades, l'effet de serre et la déforestation, l'avancée du désert. Pierre Gaillard, Jean-Marc Sylvestre, Baron Salière, Ernest Antoine et le MEDEF. Oui. Les tornades, l'effet de serre, l'avancée du désert. Les syndicats, et les chômeurs, et l'esclavage, le droit de cuissage. L'avancée du désert. Oh.